Merci de choisir Radio Sanganiro pour vous informer. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Voici tout de suite les titres de cette édition. Des eaux usées se versent dans le boulevard de l'Indépendance, en mairie d'Objumbura. Les passants et les personnes qui travaillent dans les environs déplorent une telle situation qu'ils disent se remarquer depuis un mois. Reportage à suivre dans cette édition. Une femme de la colline Gahissi en commune Outaganzwa, en province Kayanza, a été condamnée à une peine de 5 ans. Elle a été accusée d'assassinat contre son mari. Vous aurez beaucoup plus de détails au cours de cette édition. Et dans ce journal, on parlera du genre de travaux forcés qu'on soumet aux enfants burundais acheminés vers la Tanzanie en voie de traite. Et la chronique santé de ce mardi nous informe sur la nécessité d'une kinésithérapie post-partum chez une femme ayant fait la kiné prénatale. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide, Alphonse Koubguimana assure la mise en onde. La radio de l'avenir. Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi, a été nommé par la secrétaire générale de la francophonie comme envoyé spécial pour le suivi de la situation en Haïti, pays en guerre des gangs depuis 2020. Comme indique le communiqué de l'Organisation internationale de la francophonie de ce lundi, cette nomination intervient en suivi des efforts de la francophonie et de sa secrétaire générale en faveur de la stabilité et du retour à l'ordre de la démocratie dans ce pays. Ce communiqué souligne que Haïti est un important État membre de cette organisation. L'envoyé spécial Domitien Ndayizeye travaillera avec les autorités, les institutions de transition haïtienne et les acteurs politiques ainsi que la société civile nationale, selon toujours ce communiqué. Il s'observe une mare des eaux usées qui proviendrait des latrines des habitations du quartier Luhiro en destination du centre d'épuration de Buterere dans le boulevard de l'Indépendance en mairie de Bujumbura. C'est devant le stade Inwari en cours de construction. Ceux qui passent et ceux qui travaillent dans les environs disent que ça fait un mois qu'ils observent une telle situation et regrettent que les services habilités ne soient pas encore venus réparer le conduit de ces eaux qui dégagent, selon eux, des odeurs nauséabondes. Il demande à l'Obuha de s'activer pour éviter les maladies qu'occasionneraient ces odeurs. Évariste Ndikobanyanga. Ce tronçon, caractérisé par des odeurs nauséabondes, sur le boulevard de l'Indépendance du Burundi, se trouve entre le stade Inwari en cours de construction et l'immeuble Peace House. Dans ce tronçon, l'on observe aussi des nids de poules. Ces nids de poules sont pleins des eaux usées de couleur noire qui dégagent des odeurs suffocantes. Près de l'entrée du stade Inwari, c'est là où ces eaux proviennent. Certaines des personnes rencontrées sur les lieux pensent que ces eaux qui ont débordé proviennent des toilettes des ménages du quartier Ruhiro. Les piétons qui passent dans ce boulevard, une fois arrivés dans ce tronçon qui pue, ils se précipitent en passant tout en bouchant leur nez, de même que les propriétaires des véhicules qui leurs engins risquaient de perdre les accessoires dans les nids de poules, mais ces derniers craignaient de s'exprimer à ce sujet. Une des personnes travaillant près de ce tronçon indique que ces odeurs inhabituelles provenant de ces eaux usées et des toilettes où se soulagent les ouvriers en train de construire le stade Inwari constituent le danger pour leur santé. Ces eaux constituent un danger pour notre santé. On est là durant toute la journée, mais sans paix à cause de ces odeurs suffocantes. Ici devant, il y a aussi une toilette qui dégage des mauvaises odeurs, surtout quand il pleut. Nous sommes vraiment menacés. Cette femme ajoute qu'en collaboration avec ses collègues, craignent des maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène et lance un cri d'alarme à l'Obuha. Nous demandons que ces conduits de ces eaux usées soient bouchés pour nous protéger contre les maladies, pour que nous ne puissions pas attraper ces maladies épidémiques. Ceux qui passent ou ceux qui travaillent près du boulevard de l'Indépendance du Burundi, surtout près de ce tronçon qui pue, disent être scandalisés de voir une période de plus d'un mois passer dans une telle situation au centre-ville, notamment dans une place touristique, dite boulevard de l'Indépendance du Burundi. Merci Évariste. Les enfants acheminés vers la Tanzanie en voie de traite se heurtent à des travaux forcés exercés dans des champs comme le labour. Certains récemment refoulés de ce pays, rejoints par nos confrères à la Fondation STAM œuvrant pour la défense des droits de l'enfant à Mabanda en province Makamba, expliquent qu'ils exécutent leurs tâches dans des aires protégées, dans les réserves naturelles et ajoutent qu'ils sont souvent perturbés par des gardes forestiers. Leur refoulement est dû au manque des documents, comme l'indique David Ndengedje, directeur provincial de développement familial et social en province Makamba, Omer Ndouaï. La façon dont ils traversent la frontière burundo-tanzanienne est la même qu'ils rejoignent les régions où ils vont exercer les activités champêtres, lesquels travaux sont durs, comme le rapporte cet enfant. Rencontrer le patron habitant le village d'Igitagata, il nous a conduit à minuit dans la forêt d'Omvugwe où il pratique l'agriculture. Les activités qu'il nous exerce là-bas sont vraiment durs. Il nous faut entrer dans la forêt la nuit pour compliquer le retour. Lorsqu'on tombe malade, on se fait soigner sans se faire consulter. Dans la réserve naturelle d'Omvugwe, située à environ 150 km de la colline Ngaramanyenye de la commune Kayogoro, passant par le village d'Imajengo en Tanzanie, c'est là-bas où ces enfants sont le plus souvent arrêtés. Cette aire protégée se situe à droite de la route qui mène dans le district de Kabondo en provenance du district Kasuru. Après avoir dépassé le village dénommé Nyamidaho, les éco-gardes, communément appelés Abagemu, assurent la sécurité dans cette réserve. Cette forêt dispose peu de sources d'eau, raison pour laquelle une seule est partagée par tous les gens, les plus souvent des ouvriers, qui exercent l'agriculture de manière clandestine. C'est sur cette source d'eau que ces gardes forestiers attendent ces enfants pour les traquer, comme ça a été le cas pour celui-ci. Nous étions à 3 vers 16 heures. Nous nous dirigeons vers une source d'approvisionnement en eau. Les gardes forestiers s'étaient cachés aux environs et nous sommes tombés dans leur piège. Moi, j'ai couru dans le sens inverse de celui de mes collègues et les éco-gardes m'ont poursuivi jusqu'à m'attraper. Ils m'ont gravement battu et tabassé. Lors de ces violences, témoigne toujours cet enfant, même des morts peuvent se produire. Nous avons reçu des coups de bâton de la part de ces gardes forestiers et une personne est décédée. David Ndengeje, directeur provincial de développement familial et social en province Makamba, estime que ces enfants subissent de telles violences pour cause de manque de documents de voyage. Ces enfants vont en Tanzanie sans documents de voyage. Lorsqu'une fouille est organisée, ils sont refoulés, dépouillés de leurs biens. À la question de savoir comment collaborent les responsables administratifs des régions frontalières du Burundi et de la Tanzanie en matière de lutte contre ces violences faites aux enfants, Simon-Pierre Nyabenda, administrateur de la commune Kayogoro, défend plutôt que ces violences sont entretenues par des malfaiteurs. Ce n'est pas l'administration qui menace ces enfants. Plutôt les malfaiteurs. Nous sensibilisons souvent les adultes de se munir des documents de voyage lorsqu'ils vont chercher de l'emploi en Tanzanie. Nous interdisons aux enfants d'y aller. Nous les interpellons de rester au Burundi car tu ne peux pas avoir de liberté dans un pays autre que le natal. Quand des enfants de moins de 18 ans sont attrapés en Tanzanie, leur sanction est le plus souvent d'être refoulés, alors que l'emprisonnement est la sanction majeure infligée aux adultes attrapés dans les mêmes circonstances. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, une peine d'emprisonnement de 5 ans, le paiement d'une amende de 100 000 et le dédommagement moral d'1 million de francs burundais. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza contre une femme de la colline Gahise en commune Utaganzwa de la province Kayanza. Dans un procès de flagrance de ce lundi, elle a été accusée d'assassinat après avoir battu à coups de pilon son mari la nuit du 24 septembre, lequel a succombé à ses coups le lendemain. L'accusée a plaidé non coupable, expliquant que son mari est mort suite à une pierre qui lui est tombée sur la tête lorsqu'ils étaient en train de se battre. Patrick Zengiumba. Dans le procès de flagrance de ce lundi, a comparu en premier lieu devant le tribunal de grande instance de Kayanza, une femme originaire de la colline Gahissian, commune et Butaganzwa de la province Kayanza. Celle-ci a été accusée par l'officier du ministère public à Kayanza d'avoir administré des coups de pilon à son mari en date du 24 septembre l'an courant, lesquels coups ont occasionné la mort de la victime. L'accusé a plaidé non coupable, arguant que plutôt son mari a succombé aux blessures lui causées par une brique à dos qu'il a tombé dessus sur la tête lorsqu'il se chamaillait. Des explications qui n'ont pas convaincu le tribunal de grande instance de Kayanza. Après la mise en délibéré du procès, la prévenue a été sanctionnée par le tribunal de grande instance de Kayanza d'une peine carcérale de 5 ans, le paiement d'une amende de 200 000 et d'un million de nos francs pour le dédommagement moral, une somme qui sera octroyée à la famille du défunt. Dans ce type de procès de ce lundi, l'autre qui a comparu devant le tribunal de grande instance de Kayanza est un homme mais qui a été accusé de vol qualifié, de la vente illicite des minéraux et de l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Celui-ci a été arrêté en date du 20 septembre l'an courant, accusé de voler 18 grammes d'or dans une société d'extraction des mines à Matongo Seremibou en sigle. Après la mise en délibéré du procès, il a été sanctionné par le tribunal de grande instance de Kayanza d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, une amende d'un million et le paiement d'une somme de 9 millions de nos francs, une somme qui équivaut à la quantité de leur volée. L'accusé a plaidé non coupable, expliquant que ce sont plutôt les représentants de la société Seremibou qui connaissent où se trouve cette quantité d'or volée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Parlant agriculture, les cultivateurs des provinces de Ngodi et Kayanza dans les communes de Nyamulenza, Ngodi et Gatala disent que le retard dans la distribution des semences de maïs sélectionnées les a empêchés de semer à temps pour cette saison culturelle A. Ces agriculteurs indiquent qu'ils ont eu ces semences au début du mois d'octobre alors qu'ils prévoyaient commencer le semis en septembre. Certains précisent qu'ils avaient déjà fait recours aux semences des commerçants, mais cela montre que le prix est élevé. Ils demandent au gouvernement de distribuer ces semences à temps pour bien préparer les semis. Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains cultivateurs des provinces d'Ngozi et Kayanza dans différentes communes qui avaient déjà terminé les labours et attendaient l'arrivée des semences sélectionnées pour démarrer les activités agricoles de la saison culturelle A. Ils disent que les semences sélectionnées sont arrivées avec retard au moment où les autres avaient déjà acheté au commerçant à un prix dépassant 4200 francs burundais le kilo. Nous avons un problème du fait que les semences arrivent en retard. Tu as le souci de travailler, mais les moyens financiers nous bloquent. Nous manquons de l'argent pour acheter des semences modernes. Je peux dire que les semences sélectionnées ne sont pas suffisamment disponibles. Ces semences de maïs qui donnent une bonne production, comme PAN 53 et Sidico, dont je dirais qu'à propos de ces semences sélectionnées, il y a un problème. Elles sont insuffisantes. Ces cultivateurs demandent au gouvernement de faire la distribution des semences sélectionnées à temps pour ne pas commencer avec retard les travaux champêtres et aux commerçants de ne pas vendre ces semences sélectionnées à un prix élevé. Nous demandons aux multiplicateurs des semences sélectionnées, s'il y a un appui du gouvernement, de vendre à un prix abordable pour que chaque citoyen en achète facilement. Il faut que les organisations qui multiplient des semences cessent d'augmenter les prix, car le simple citoyen qui passe la journée en cherchant 3000 francs, comment est-ce qu'il peut acheter ses semences à un prix élevé? Là, il va au marché pour acheter un kilo pour 3000 francs et va les utiliser s'il a eu la chance d'en avoir. Au sein de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, Emile Kugimana précise que les semences ont été distribuées. Il n'y a aucun problème. Pour la saison A, nous privilégions la culture du maïs. Et là, à ce qui concerne les semences, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que l'État a déjà disponibilisé les semences de maïs hybrides. On était en train de faire la répartition de ces semences. semence pour les faire parvenir au niveau des communes. Et ces communes, il faut aussi les faire parvenir au niveau des collines afin que ces semences soient plus proches de la population. Et l'État a mis en place le prix de 4200 francs par kilo. Il s'agit d'un prix subventionné que personne ne peut pas passer à côté de ce prix pour acheter ces semences à un prix supérieur à ça. Dans la province de Kayanza, le gouverneur de cette province a expliqué que sa province n'a pas de problème de semences sélectionnées. Dans la suite de nos reportages, on fera le point sur l'état des lieux des engrais chimiques dans ces deux provinces. Radio Isanganiro, chronique santé. La kinésithérapie post-partum reste nécessaire chez la femme qui a fait la kinésithérapie prénatale. Le kinésithérapeute Kado Iladukeje indique que c'est pour remuscler la sangle abdominale qui a été fragilisée par la grossesse. Ce spécialiste interpelle toutes les femmes d'être toujours conscientes de l'importance de la kinésithérapie avant et après accouchement et souligne que les gynécologues devraient les recommander à pratiquer ces exercices. Chronique santé avec Ornella Mucho. Lors de la précédente chronique santé, le kinésithérapeute Kado Iladukeje avait expliqué que la kinésithérapie prénatale, faite à partir du sixième mois de la grossesse, permet à une femme enceinte de se préparer physiquement et mentalement à l'accouchement au moment où la kinésithérapie post-partum, faite dans les 6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement, traite ou permet de diminuer la fréquence et l'intensité des symptômes, en particulier les douleurs pelviennes et l'incontinence, raison pour laquelle ce kinésithérapeute thérapeute souligne que la kinésithérapie postpartum reste nécessaire même chez la femme qui avait fait la kinésithérapie prénatale. C'est bien nécessaire puisque vous voyez, lorsque la femme est enceinte, elle a 9 mois avec un ventre qui a augmenté de volume. Donc les muscles abdominaux, ils sont en état d'étirement pendant 9 mois. Donc après l'accouchement, c'est nécessaire que la femme fasse des séances de kinésithérapie pour reconditionner ses muscles abdominaux. Il continue d'expliquer les différents exercices réalisés en post-partum. Il y a des fois où il est difficile chez la maman de bien contrôler ses urines. Donc il y a des fuites urinaires qui peuvent se manifester, même si elle a fait les séances avant l'accouchement. S'il y a un problème particulier qui se présente chez la maman, après l'accouchement, même si elle avait fait des séances de kinésithérapie prénatale, ça ne peut pas empêcher qu'elle vienne consulter pour qu'on puisse l'aider. Il y a des fois où, avec la force qu'elle utilise lors des poussées au cours du travail d'accouchement, peut arriver que certains organes abdominaux perdent leur place. Ça aussi, on peut aider à ce que ces organes regagnent leur place. Ce kinésithérapeute indique que les gynécologues doivent prendre le devant pour que les femmes enceintes soient conscientisées sur l'importance de la kinésithérapie périnéale. Lors des consultations prénatales, lors des consultations gynéco-obstétricales, il faut que les médecins et les sages-femmes conseillent aux mamans de consulter des centres spécialisés dans cette sorte de kinésithérapie pour qu'ils puissent en bénéficier. Il faut aussi que les centres de kinésithérapie qui sont déjà ici à Bujumbura ou bien partout ailleurs dans le pays, il faut que les kinésithérapeutes aussi soient formés sur cette approche kinésithérapique pour que un grand nombre de femmes enceintes puissent bénéficier de cette kinésithérapie prénatale. Les conséquences chez les femmes qui n'ont pas pratiqué ces exercices de kinésithérapie peuvent ne pas apparaître dans l'immédiat, mais s'observer plus tard au moment de la ménopause, puisque les muscles du périnée avaient été fragilisés par la grossesse et l'accouchement. Ornella Mucho. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle à la présentation. Vous étiez avec Doré Bingabilé, Alphonse Gougimana, assuré la mise en onde. Gardez l'écoute.